Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la main dans le sac. Levons le voile sur le fonctionnement des services d'ordre des partis politiques, ceux qui emploient des hommes comme Alexandre Benalla, ou qui exaltent la violence comme durant le meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Qui sont ces hommes qui sécurisent les manifestations politiques et décident parfois de les laisser dégénérer? L'une de ces organisations mérite une attention particulière. Le SAC, Service d'Action Civique, un service d'ordre affilié de façon inconditionnelle au général de Gaulle dans les années 60. Une bande de grognards, comme il se nomme eux-mêmes, composée d'anciens résistants, de policiers, de militaires tentés par l'OS, de truands parfois, mais pas seulement. À la tête du SAC, durant les années de Gaulle, on trouve aussi des figures majeures de la France-Afrique, comme Jacques Foccart, et des ténors de la politique intérieure, comme Charles Pasqua. Un groupe pour le moins hétérogène, adoubé par l'exécutif. En vérité, un service aux mœurs incontrôlables. Le SAC, une organisation armée qui a pu sévir des années durant, jusqu'au drame de la tuerie d'Auriol, qui provoqua en 82 sa dissolution par François Mitterrand. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Turpin, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Chambéry, auteur de Jacques Foccart dans l'ombre du pouvoir, au CNRS édition en 2015. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Sophie Bobert, coordination Christophe Barrère, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Dans la nuit du 29 avril 1969, au lendemain du non au référendum qui provoque la démission du général de Gaulle, cette voiture longe la rive gauche de la Seine, passe devant la gare d'Orsay qui n'est pas encore un musée, puis tourne à gauche au niveau de la rue de Solferino. Elle s'arrête devant le numéro 5. Là, des hommes se présentent au poste de garde où des policiers vérifient leur identité. Puis ils les laissent entrer, sans ignorer que dans les caves sont entreposés des fusils Browning calibre 12, des pistolets Walther calibre 7,65, une mitraillette, une carabine, un véritable arsenal. Mais l'heure n'est pas aux états d'âme. Tous le savent, il faut faire vite et éviter que les archives ne tombent entre les mains d'Alain Poher, le président du Sénat, bientôt président par intérim. Évitez aussi que ces documents ne finissent un jour aux archives nationales. Au regard du droit, l'opération est limite, même si elle est courante en cas d'alternance politique. Et elle s'inscrit bien dans cette pratique gaulliste qui aime préserver les mystères. C'est ce que le préfet de police, Maurice Grimaud, affirme dans son livre intitulé « Je ne suis pas né en 68 ». Foccart contacta le directeur de cabinet Jean Paolini au sujet des archives du SAC. Selon lui, le général souhaitait qu'on les brûle. De Gaulle avait-il réellement donné cette consigne? Si tel était le cas, cela signifiait qu'il aurait eu conscience de la dangereuse part d'ombre que représentait ce service d'ordre, compromis par des fréquentations douteuses et actions parfois illégales. S'il avait longtemps toléré son existence, il était temps de faire disparaître ces traces gênantes, peu conformes avec l'image qu'il souhaitait donner pour l'histoire. Le SAC, cette association dissoute par François Mitterrand le 3 août 1982 au regard de la loi sur les milices privées. Mais que vient faire cette milice privée dans les affaires du général? En vérité, ce lien date de 1940, car la plupart de ces hommes ont été des résistants de la première heure. Oh, bien sûr, parmi eux se sont bien insérés quelques bandits. Mais globalement, de Gaulle se s'est entouré d'hommes de confiance, prêts à tout pour lui, jusqu'à la clandestinité ou la violence. C'est ainsi que, dans la pagaille qui suit la libération, de Gaulle fonde RPF, le Rassemblement pour la France. Il a besoin d'un service d'ordre de confiance, car la période reste confuse, souvent violente. Tandis que les Français continuent de subir les tickets de rationnement et les règlements de compte entre collabos et résistants, les communistes menacent, eux, de prendre le pouvoir. Alors, le général fait appel au colonel Rémy, un monarchiste maurassien, et à Dominique Ponchardier, un ancien résistant, auteur de romans policiers. Figure de la France libre, ces deux-là sont assez charismatiques pour commander des profils aussi variés que des maquisards ou des croix de feu. Et l'affaire est dans le sac. Au printemps 48, les effectifs du service d'ordre atteignent 15 000 hommes structurés sur un modèle militaire, composé de compagnies et de sections. Cette discipline fonctionne bien, mais la situation reste fragile, car le Parti communiste est un adversaire redoutable. Il faut se souvenir de son essor à l'époque. 370 000 adhérents en 44, 800 000 en 46. Un parti qui participe à tous les gouvernements, jusqu'en mai 47. Le tout sur fond de conflits en Indochine et de guerres froides, alors forcément, le climat se tend. Climat de trouble, c'est l'atmosphère de cette semaine. Dans les mines du Nord, où l'effervescence continue, les compagnies de sécurité ont dû intervenir pour libérer les puits des piquets laissés par les grévistes pour empêcher tout travail. Les forces de police, munies du matériel anti-gaz, n'ont pas eu la plupart du temps à faire usage de la force. Mais en d'autres endroits, l'épreuve a pris un caractère nettement dramatique. Sporadique, fluide, l'agitation continuait dans les coins les plus divers du territoire, contrée par les forces de sécurité. Dans la banlieue parisienne, comme dans certaines villes de France, des rencontres se produisaient, légères ici, plus graves ailleurs. Heures, troubles. Le 18 septembre 48, ça dérape. De passage à Grenoble, le général de Gaulle est chahuté. Les communistes renversent la tribune, des cris fusent. Et voilà que soudain, une jeep fonce dans la foule et qu'on ouvre le feu. Un homme tombe à terre, c'est le jeune communiste Lucien Vautrin, tué par balle. Autour de lui, une trentaine de blessés graves. À l'Assemblée, le ministre socialiste de l'Intérieur, Jules Moch, s'en prend à De Gaulle et à cette police privée, motorisée, dont l'existence est absolument inadmissible en démocratie, dit-il. Et voilà comment De Gaulle se voit retirer l'escorte militaire de la garde républicaine dont il bénéficiait grâce à son statut de héros de la guerre. Une mesure de rétorsion qui signifie qu'il est redevenu un homme politique comme un autre. Ce dérapage le pousse à écarter le duo Rémy Pontchardier de la direction du service d'ordre dont le fonctionnement paramilitaire comporte trop de risques. Parallèlement à ce revers, la 4ème République impose son régime parlementaire. Pour le général, vient le temps de la traversée du désert, longue période durant laquelle il se retire à Colombey-les-Deux-Églises. Alors, est-ce la fin de son service d'ordre? Une fin dans un cul-de-sac? Non, simplement le temps des réseaux. En 1986, dans l'émission L'heure des vérités, Charles Passois revient sur cette notion de fidélité qui confine à la dévotion. C'est vrai que nous avions envers le général de Gaulle une fidélité et qui confinait un peu à la religion. Je le reconnais, pour nous, de Gaulle était un héros mythique. Et si on nous avait demandé de nous faire tuer pour lui, nous l'aurions fait. Il ne faut pas en douter une seule minute. Je n'en doute pas. Et le recrutement de cette organisation, qui n'intervenait que lorsque le général de Gaulle était en cause personnellement, était surtout de nature populaire, parce que c'est naturellement dans les milieux populaires qu'on trouve le plus facilement des gens qui s'engagent totalement. Alors je comprends parfaitement que d'un certain côté de l'échiquier, et notamment au Parti communiste ou au Parti socialiste, on ait toujours vu ça d'un très mauvais œil. D'un très mauvais œil, oui, car maintenant que de Gaulle s'est retiré, que deviennent les fameux chefs de section? Eh bien, officiellement, il retourne à la vie civile. Dominique Pontchardier se consacre à l'écriture de romans policiers, Pierre de Bizet soigne sa tuberculose, d'autres deviennent moniteurs de sport, mais tous restent unis dans un même rejet de cette 4ème République, qui pourtant préside au redressement d'après-guerre dans une pratique parfaitement démocratique, comme le veut le régime parlementaire, modèle du genre sur ce point. Alors, les anciens héros dépités ont plus d'un tour dans leur sac? Oui. Et ils pénètrent certains milieux liés au renseignement via le bras armé du SDEC. Parmi eux, un homme est destiné à jouer un rôle central. C'est Jacques Faucard, lieutenant-colonel de réserve du SERP, les paras, et responsable de l'implantation du RPF aux Antilles en Guyane. Souvent, tout ce beau monde se retrouve à Paris, dans un cabaret de la rue des Saint-Pères. Et parfois, il fomente un coup. Bon, pas grand-chose. Juste de quoi garder la forme. Commence 7 novembre 56, où le siège du PCF et les bureaux de l'UMA sont saccagés. Comme ces années-là sont mouvantes et confuses. La question algérienne, bien sûr, et l'Algérie française, tous les gars du sac y croient dur comme fer. Alors, en 1958, afin de fonder la 5ème République, la France se résigne à faire appel au grand homme. Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi, ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Voilà pourquoi le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement à la France. La première campagne sur laquelle le service d'ordre intervient, c'est donc le référendum portant sur la nouvelle Constitution. Et elle se révèle d'une grande violence. De part et d'autre, on use de menaces contre le camp adverse. Et souvent, on passe à l'acte. Ainsi, entre le 1er août et le 29 septembre, plus de 33 permanences politiques sont mises à sac. Un climat délétère qui se déploie lors de la présentation de la Constitution par le général le 4 septembre 1958 à Paris, place de la République. Là, parmi les partisans, le Parti communiste a bien préparé sa contre-manif. Mais soudain, un frisson parcourt la foule. Les policiers chargent. Un millier de manifestants s'entassent rue Notre-Dame de Nazareth, pris au piège. Des coups de feu en rafale s'échappent d'un quart de police, faisant plusieurs blessés parmi les communistes. Mais enfin, qui sont ces gens qui ont ouvert le feu depuis le quart de police? Et comment expliquer que le général ait besoin d'ajouter ses gros bras armés à son service d'ordre officiel? Eh bien, c'est que depuis sa traversée du désert et sa complaisance envers ses compagnons fidèles, il est devenu difficile de les exfiltrer. Alors, le journal Le Monde le met en garde contre ce qu'il appelle ses nervis fascistes. Avec eux, en effet, De Gaulle prend le risque de ternir l'image de son nouveau parti, l'UNR, fondé sur les cendres du RPF. Il n'empêche, il prend le risque. Le 4 janvier 1960, les statuts sont déposés à la préfecture de police de Paris sous le numéro 34511 et sous le nom de SAC. Service d'action civique, histoire de se démarquer du service d'ordre de l'UNR. Car ces gros bras, qui se verraient bien gardes prétoriennes, font bande à part. Ils ont leur propre état-major et leurs propres règles, ne partageant ni les locaux, ni la trésorerie du parti. Une sorte de police parallèle en somme, et adoubée par le général. Mais officiellement, le SAC n'est qu'une association à but non lucratif, ayant pour but noir sur blanc, je cite, « de rassembler toutes les personnes désireuses de soutenir l'action du général et de mener une action civique, culturelle et sociale en dehors de toute action politique. » Une logorée bien pratique pour ne pas définir précisément ce qu'il est, ce sac. Histoire surtout de lui donner des marges de manœuvre pour des objectifs moins louables que ceux qu'affirment les statuts de l'organisation. Ainsi, dès sa création, le sac est marqué du sceau de l'ambiguïté. D'autant que le choix de prendre pour parrain Jacques Foccart, surnommé le doyen, une sorte de Mazarin à l'Élysée, et pour président Pierre de Bizet, profil de boxeur, surnommé Gros Sourcil, tous deux pro-Algérie française, cela peut surprendre. Mais le général a besoin d'hommes de poigne, et eux ont besoin de lui pour exister. Alors en pleine guerre d'Algérie et en pleine cacophonie, va pour l'ambiguïté, et surtout les excès de zèle. Depuis le dimanche tragique où la fusillade fit 20 morts et 140 blessés, Alger vivait avec ses barricades. Là, la foule algéroise venait écouter les harangues des lieutenants d'Ortiz qui, avec la gaillarde, tenaient tête au gouvernement de son pays. C'est dans cette atmosphère enfiévrée que se déroulaient les obsèques des 13 gendarmes mobiles, victimes de la fusillade. C'est dans cette atmosphère enfiévrée que les cordons de troupes devaient s'opposer à la foule qui tentait d'atteindre le réduit des insurgés. Des insurgés qui avaient cru au retour du général au pouvoir. Or, la situation s'enquiste avec le massacre de la rue d'Isly à Alger, qui parmi les pieds noirs fait 80 morts et 200 blessés. Une violence qui se déplace ensuite en métropole. Des attentats aussi dans la métropole, Claude Palpageur. Oui, plusieurs cette nuit. À Montpellier, d'abord ce matin, à 1h, une charge de plastique a explosé devant l'appartement de M. Paul Coste-Floret, professeur à la faculté de droit, et député MRP de l'Hérault. À 1h10, un peu plus tard, une autre charge de plastique faisait explosion devant le domicile de M. Jean Périguier, avocat, sénateur et SFIO de l'Hérault, demeurant rue de Verdun. Pour les deux attentats, les dégâts sont importants, car les engins ont été placés devant la porte de l'appartement et non pas devant celle de l'immeuble. Il est à noter que ces deux personnalités avaient signé ces derniers jours une protestation contre la municipalité de Montpellier qui avait refusé une motion anti-OAS. Car les pieds noirs ont bien compris que De Gaulle les lâche. Dès lors, il faut rentrer en France ou rejoindre l'OAS. L'atmosphère devient électrique, comme ce 26 mars 62 où les opposants à l'Algérie française ont massacré Rudis, il en a parlé. Et De Gaulle doit s'en expliquer, non sans lyrisme. Comme ici, le 8 juin 1962, au journal télévisé. Il fallait que fussent brisés les complots successifs à faire des barricades, insurrections d'avril 1961 et depuis lors, actions acharnées de subversion terroriste menées, hélas, par des Français qui usent de l'assassinat, du vol et du chantage, tout soulèvement qui visait à forcer la main au pouvoir, à les branler, à le renverser et acheter la France aux abîmes. Ce qu'il fallait faire fut fait. Oui, sauf que ces violences commises envers les pieds noirs, Pierre de Bizet ne les supporte pas. Chaque jour, désormais, il portera une cravate noire en signe de deuil. Il vide son sac et le quitte, comme beaucoup d'autres, nombreux, ce qui provoque un schisme dans l'équipe. قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي Affaire sensible, Fabrice Drouel. Pour le SAC, c'est précisément la vacance de l'autorité centrale, notamment en Provence, qui facilite l'entrée d'hommes louches provenant du milieu. Des hommes sans forte conviction politique, comprendre sans scrupules, ni idéologie. Dans quel but ces voyous intègrent-ils le SAC ? Pour bénéficier de l'immunité que procure la carte tricolore ? Bien sûr, elle ressemble tant à la carte de police. Un Graal. C'est ainsi que les années passent, faites de mauvaises habitudes, de passe-droits, de services rendus, qui en retour appellent des gestes. D'après Patrice Chéroff, un ancien du SAC, en engageant dans ses rangs un nombre toujours accru de truands et d'hommes de main, le SAC développait les germes de crise beaucoup plus graves, de ces bavures qui, au fil des années, jetteront un discrédit total. Dans la nuit. En attendant, chez les gaullistes, l'heure est grave. Au lendemain du putsch des généraux, en avril 61, le premier ministre Michel Debré s'invite sur les ondes et implore la population de barrer la route des factieux. Parmi ceux qui répondent à l'appel, ce jeune homme de tout juste 20 ans qui se rend au ministère de l'Intérieur. Le 25 novembre 2005, dans le journal Libération, il témoigne. Dans la nuit, 1200 personnes nous ont rejoints. On nous a fait signer un engagement pour une unité militaire. Là, des députés gaullistes ont refusé de signer, sous prétexte que les écrits restent. Personne ne savait comment les choses allaient tourner. Nous étions écœurés de ce comportement de politicien. On nous a proposé de rejoindre le SAC pour servir directement le général. Dans le 18e arrondissement, nous nous battions contre les communistes. Mais dans le 16e, nous affrontions l'extrême droite. Les nerfs de bœuf sortaient très vite. Puis lors de mon service militaire, chez les paras, nous avions un réseau dans mon régiment où il existait au moins 3 groupes de l'OAS. Une seule fois, nous avons eu une action en participant à l'évacuation d'un foyer d'immigrés à Paris. On m'a donné un gros revolver. Pourquoi nous et pas la police? Je n'en sais rien. Plus tard, on m'a demandé d'aider de jeunes étudiants algériens à Paris. Aider de jeunes Algériens? En vérité, la direction s'efforce de faire oublier les bavures, tout en remplissant ses caisses, histoire notamment d'acheter de nouvelles armes. Alors, on dépose des dossiers de subvention au FAS, le Fonds d'Action Sociale pour Travailleurs Musulmans d'Algérie en métropole, ou bien au ministère de l'Intérieur. Et arrivent effectivement les subventions, ainsi que l'accord de l'Institut National des Sports pour utiliser les installations. Le projet consiste à offrir aux jeunes une formation professionnelle, ainsi que des loisirs, des clubs privés. Alors, va pour le plaisir. Et pour les vacances, on leur propose la Corse ou Biarritz dans des campings. Une belle image philanthropique. Dans son livre « Les enfants de la République », l'historien Ivan Jablonka raconte. Dans ce domaine, c'est le SAC qui mène à partir de janvier 1960 la politique la plus active en milieu musulman au nom du général de Gaulle. Et comme l'explique un rapport de mars 1959, il y a clairement un problème des enfants. Parmi les individus sur lesquels doit porter l'effort d'assimilation, les mineurs occupent une place primordiale, et pour des raisons que les philanthropes mettaient déjà en avant au XIXe siècle. Insuffisamment scolarisés, coutumiers de la crasse et de l'insalubrité, ils s'exposent à devenir aussi coupables que victimes. À la misère et au désœuvrement s'ajoute désormais un autre danger, les sirènes du FLN. Devant le succès de l'opération, de nouveaux crédits sont régulièrement versés. Le Premier ministre Michel Debré loue alors cette action humanitaire de contact sans arrière-pensée politique à même de faire triompher la solution la plus française en Algérie contre ceux qui ne conçoivent la liberté qu'à coups de mitraillette. Que tout cela est élégamment présenté. Et de Gaulle, au fait, que savait-il de ces transferts monétaires? Où il lui arrive de s'interroger sur cette sorte de sac de nœuds que le sac. Mais enfin, dit-il, qui les commande? C'est la rue de Solferino, répond Focard. Alors le général sourit et n'insiste pas. La fin justifie les moyens. Et puis ces élections qui se profilent, 1965-1967, il faut les remporter. Dont acte, avec l'aide du sac qui colle des affiches et distribue les tracts. Mais il y a un homme qui n'est pas dupe de ses méthodes, c'est Jacques Chaban-Delmas. Mais sa voix ne pèse pas lourd face à celle du général. D'autant qu'en parallèle, Georges Pompidou accepte l'idée de Jacques Focard de céder le ministère des anciens combattants à un gars du SAC, qui lui-même en profite pour placer ses amis au poste de conseiller. On infiltre. Jusque-là donc, tout va bien pour cette engeance. Pour l'instant. Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris. La colère monte chez les jeunes et pourtant le SAC ne voit rien. Et pour cause, aucun des membres du service n'est en lien avec les étudiants. Rupture sociale et générationnelle criante. Certes, il y a bien Jacques Godefroy pour diriger l'antenne jeune. Mais celle-ci n'est composée que de membres non diplômés ou inscrits en fac de droit, loin des foyers de l'agitation moderne. Et puis, aucun ne parvient à faire la distinction entre communistes, maoïstes, trotskistes ou anarchistes. Alors on met tout le monde dans le même sac. Dans la panique, on rappelle les chefs de province qui drainent avec eux les paras de Marseille ou d'anciens de l'OS. Pas exactement des officiers de police, donc. Ils ne connaissent pas l'esprit de Paris et s'entendent sur une ligne dure, en totale contradiction avec les méthodes de Pompidou. Tous sont munis de matraques, grenades au chlore, armes à feu. Tous sont autorisés à circuler en appui de la police, ainsi que devant les lycées Mallarmé et Balzac, contre les comités d'action lycéens. Ce qui agace le préfet de police Maurice Grimaud, pas du tout du genre Barbouze, un honnête homme à qui l'on doit le bilan humain miraculeux de mai 68, un mort, et encore, par accident. En tout cas, ces types du sac, armés jusqu'aux dents et sortis d'autre on ne sait où, ça fait mauvais genre. Et puis, compte tenu du nombre d'armes stockées au QG de Solferino, gare à la bavure. Ordre est donc donné de rester calme, oui, mais jusqu'où ? Le 22 mai, un cortège d'étudiants longe le boulevard Saint-Germain, puis bifurque rue de Solferino. Et soudain, des cris fusent, barbouzes, assassins, et une dizaine d'entre eux tentent de défoncer la porte cochère. Des cocktails Molotov volent, auxquels les gars du sac répondent par de leur fenêtre, par l'envoi d'un cageot de bière. C'est qu'ils aimeraient bien les se battre, mais l'ordre est donné par Focard de ne pas bouger. Le lendemain, celui-ci reçoit des appels dépités. « Jacques, tu nous déçois, petite bourgeoise. » Alors, après le sac, le ressac. Les gars du sac sont déprimés, les souvenirs amers de l'Algérie ressurgissent, alors ils boivent en attendant que vienne l'horreur. Et elle arrive, cette heure, avec la contre-révolte gaulliste du 30 mai sur les Champs-Élysées. Dès le 26, à la demande générale, Focard ordonne à Pasqua d'organiser cette riposte qui se doit d'être spectaculaire. Pasqua mobilise le sac, qui réquisitionne les drapeaux des ministères et des mairies afin d'équiper les manifestants et qui loue, sur les fonds secrets de l'État, une trentaine de cars. En début d'après-midi, il lâche même un avion sur la capitale qui envoie des tracts appelant à manifester tous ceux qui refusent l'anarchie et qui veulent assurer le renouveau dans le maintien de la légalité. Signé Pasqua. Vous savez que l'avenue des Champs-Élysées est extrêmement large et on trouve serré, véritablement serré, au coude à coude sur toute la largeur de cette avenue. Eh bien, on trouve serré des jeunes, des moins jeunes, tenant à bout de bras des banderoles sur lesquelles l'on peut lire « Vive de Gaulle, liberté oui, anarchie non ». Beaucoup d'applaudissements aussi. On entend encore des slogans tels que « De Gaulle n'est pas seul ». Il y a aussi beaucoup de drapeaux tricolores, comme vous le pensez. Tout se passe, pour le moment, je dois le dire, dans le calme. Les organisateurs disposent de plusieurs services d'ordre qui canalisent la foule des badauds. Ils sont extrêmement nombreux. Fort de ce succès, le SAC organise d'autres manifestations à travers la France qui finissent souvent dans la violence. Le 22 juin, dans les colonnes du Monde, plusieurs personnalités, dont Hervé Bazin, Jean Ferrat et Robert Badinter, signent une pétition dénonçant cette force parallèle et supplétive de provocation et de combat, soi-disant d'action civique. Dans la foulée, le journaliste Georges Chaffard explique. Il y a, au sac, trop de traînes savates, du bois dont on fait les mercenaires, trop de personnages équivoques, mêlés au demi-monde parisien des cabarets, du jeu des bordels clandestins, des trafics d'armes. Comme ce directeur d'une boîte de striptease, blessé dans un accident de voiture, alors qu'en compagnie d'un catcheur sur leur tour, ils partaient plastiquer une permanence communiste. Mais en ces années de troubles idéologiques, tout est bon pour combattre la doxa gauchiste. L'exécutif se sert donc du sac pour développer une nouvelle arme, l'anti-subversion. Une notion théorisée par l'universitaire Roger Michielli, qui écrit dans l'un de ses livres... À la différence de la contestation politique ou du complot armé, la subversion représente une technique de démoralisation des citoyens. Elle vise autant l'opinion publique que le pouvoir. C'est ainsi que ce terme de subversion marxiste s'ajoute à la fameuse Xianli, une grammaire qui permet d'exonérer les carences des systèmes en place, mais aussi de communiquer avec la majorité silencieuse. Car c'est pas Solferino qu'il faut traîner désormais, c'est dans les facultés. Le syndicat étudiant l'UNI est alors créé, cornaqué par Focard, pour contrer l'UNEF. Et une fois de plus, la violence ne tarde pas à s'exprimer. Il était 1h03, très exactement, dans la nuit de samedi à dimanche, lorsqu'au 103 de la rue de Mirande à Dijon retentissait une violente explosion. Un engin d'une puissance peu ordinaire venait de souffler et d'incendier une librairie papeterie installée depuis quelques mois par l'UNEF en guise de coopérative universitaire. Déjà au cours des événements du mois de mai, une tentative avait été faite contre ce local mais cette fois l'engin a détruit la presque totalité du matériel en causant des dégâts importants. Filant la métaphore du corps malade, on préconise de nouveaux remèdes pour éviter la décomposition de la société. Par exemple, en copinant avec les médias. Des liens sont ainsi établis avec le Parisien libéré au François. Au Figaro, André François est un ami qui écrit aussi pour le bulletin du SAC. Et côté radio, on trouve une astuce, la saturation des standards des émissions, histoire d'orienter les débats. Côté exécutif, on passe outre l'interdiction faite aux adhérents du SAC de participer aux élections. Ainsi, Charles Pasqua se présente dans la 4e circonscription des Hauts-de-Seine et l'emporte face à son rival communiste. En tout, ils seront une trentaine d'encartés du SAC à se faire élire et à donner à leur service d'ordre une nouvelle dimension politique, tout en maintenant dans leur rang des gars chelous. C'est ainsi que le SAC se coule dans l'appareil d'État. Par l'intermédiaire de Jacques Foccart, mais aussi de parlementaires et de hauts fonctionnaires, avec l'appui d'organisations satellites comme l'UNI et la CFT, Confédération Française du Travail, sans parler de l'Assemblée, où le SAC dispose d'une amicale parlementaire des amis du service d'ordre, qui compte une trentaine de députés UDR. Ensemble, ils soutiennent la loi anticasseur du 8 juin 70 et s'opposent à la refonte de l'ERTF de Chaban-Delmas. Le 3 décembre 68, Foccart organise un déjeuner avec Robert Gallet et Jacques Chirac, avant de rapporter dans son journal « Je sens ces deux jeunes ministres très désireux de faire équipe avec moi et très élogieux à propos du SAC. » Sans compter Georges Pompidou lui-même, qui accepte d'être président d'honneur du SAC, et Pierre Juillet, membre d'honneur. Quelle année ! Mais à l'automne 68, avec le remplacement de Pompidou par Maurice Couve de Mirville, Jacques Foccart s'inquiète. Ce nouveau Premier ministre n'a jamais apprécié le SAC. Pire, rien ne dit qu'il le laissera disposer des fonds secrets. Alors, on rappelle Pierre de Bizet. Ce dernier est devenu, grâce à Foccart, le conseiller des présidents chadiens et gabonais. C'est l'âge d'or de la France-Afrique. Alors, pourrait-on expulser les membres qui traînent avec le milieu ? Essayons. L'épuration est en marche. Enfin, pour paraître encore plus respectable, Foccart lance un mensuel nommé Action Civique. L'édition est luxueuse, imprimée sur papier glacé, très loin en tout cas des bulletins des années 65. Il dit surtout la montée en puissance de leurs moyens financiers et de leur ambition. Tous espèrent ainsi qu'avec cette stratégie de dédiabolisation, les années qui viennent seront plus sereines. Or, voilà que le général de Gaulle démissionne et qu'Alain Poher, le président du Sénat, dit à qui veut l'entendre que Foccart est un homme dangereux, aux caves pleines d'armes, aux coffres pleins d'or et aux tiroirs pleins de dossiers secrets. Alors, de Gaulle exit, fin du sac. La question est posée. Difficile pour eux de prêter allégeance à Pompidou. Alors, le 2 mai, Foccart interroge de Gaulle qui lui répond « Il faut maintenir ce noyau dur. » Purs, de gens décidés. Grâce à eux, on pourra continuer la ligne gaulliste. Grâce à eux, plus tard, pourra renaître le gaullisme. Il faut entretenir cette foi. Oui, mais la dangerosité du SAC, pourtant vérifiée mais toujours niée par ses membres, éclate au grand jour avec l'affaire dite de la tuerie d'Auriol. Le 18 juillet 1982, un commando du service d'action civique élimine le chef de la section Marseille et massacre 5 membres de sa famille. Cette fois, c'en est trop. François Mitterrand dissout l'organisation. Fin de l'histoire. Oh, France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le SAC. Notre invité, Frédéric Turpin. Bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Chambéry, vous êtes l'auteur de Jacques Foccart dans L'ombre des pouvoirs, paru aux éditions CNRS en 2015. Alors on imagine la difficulté de produire un travail d'historien lorsque la plupart des sources ont été supprimées. Ainsi, à deux reprises au moins, hein, le SAC a fait disparaître ses archives de la rue de Solferino. D'ailleurs, ils étaient installés à côté du Parti Socialiste. En 69, puis au lendemain de l'élection Mitterrand, comme en témoigne le RCE, rapport de la commission d'enquête de 1982, des archives ont disparu également. Bref, comment avez-vous procédé pour enquêter sur ce terrain difficile ? Avec méthode et surtout un petit peu avec une pêche à la ligne, si j'ose dire ainsi. Tout simplement parce que effectivement, on ne pouvait pas s'appuyer sur un fonds central déposé aux archives nationales, si vous voulez, tel qu'on peut le trouver pour certains partis politiques, comme le MRP sous la 4ème République, par exemple. Donc il a fallu aller sur différents fonds. Alors on a notamment le fonds Jacques Foccart, qui est un fonds très dense aux archives nationales, mais qui traite essentiellement des questions franco-africaines, un peu des questions de politique intérieure, bien sûr, et un tout petit peu, mais de manière résiduelle, du SAC, proprement parlé. Il y avait des archives aussi de la police, des RG, mais là aussi, la pêche a été relativement maigre, puisque, comme vous le savez peut-être, les RG enquêtaient non pas sur le gaullisme au pouvoir dans les années 60, mais essentiellement sur les communistes, l'extrême-gauche, et avant 1962, sur le FLN, évidemment. Donc, cette étude n'a pu être faite véritablement qu'à travers des entretiens, avec un certain nombre de personnes ayant évidemment agi par, pour ou contre le SAC, et puis bien sûr à travers les témoignages des anciens du SAC qui ont été publiés, comme vous l'avez mentionné notamment avec Patrice Chéroff, B comme Barbouze, lors de votre de reportage. C'est essentiellement sous cette forme-là qu'on peut petit à petit gratter des informations au milieu d'une pile d'autres informations qui n'ont rien à voir avec le SAC. Bien, est-ce qu'on pourrait parler, concernant le SAC, pour De Gaulle, d'une sorte de garde prétorienne, la visibilité en moins ? D'une certaine manière, c'est une forme de garde prétorienne, mais alors c'est assez compliqué parce que c'est à la fois une garde prétorienne qui n'a juré allégeance qu'au général de Gaulle, et vous l'avez bien montré dans le reportage, les gens du SAC sont prêts, comme le disait Charles Pasqua en 86, mais nombreux témoignages qui pourraient en attester aussi, sont prêts à mourir, à se tuer littéralement pour sauver d'une balle, par exemple, le général de Gaulle. Pasqua le dit. Il y a une allégeance personnelle, voilà, au général de Gaulle. D'un autre côté, c'est aussi un service de garde rapprochée du régime de la Ve République qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est pour ça aussi qu'il a duré plus longtemps que le seul général de Gaulle, bien après 1969. Alors, ça tourne aussi autour de Jacques Foccart. Le public connaît le nom de Jacques Foccart à force de lui en parler, mais peut-être sans savoir exactement quel genre de pouvoir il avait. C'était un homme de l'ombre, ou moitié de l'ombre, installé à l'Élysée. Qui était cet homme? Quels étaient ses pouvoirs? Alors, il a plusieurs casquettes. C'est bien ça qu'il faut retenir tout d'abord. C'est que Jacques Foccart, au début des années 1960, et je vous renvoie notamment à l'annuaire des gaullistes qui est publié par le grand journaliste du Monde, Pierre Vianson-Ponté, en 1963, il y a des notices des différentes personnalités gaullistes. Et Jacques Foccart, c'est l'homme au pistolet, c'est l'homme des services secrets. Donc c'était plutôt sous cet angle-là qu'on le connaissait, parce qu'effectivement, c'était un grand résistant qui avait travaillé dans le réseau Action Plan Tortue, donc essentiellement le service Action, si vous voulez, hein, pour faire simple, et qui est resté officier de réserve, un personnage important de la réserve du service Action, qui lui a permis par la suite de recruter, d'avoir aussi des liens assez forts avec les services secrets, notamment à Matignon en 1958, et ensuite à l'Élysée, auprès du général de Gaulle. C'est lui qui sert d'interface aussi avec le SDEC, hein, il faut le savoir. Donc il y a bien cet aspect déjà service secret, homme de l'ombre, mais en même temps, c'est un conseiller politique aussi du général de Gaulle, car il fait l'interface avec les formations politiques gaullistes, comme l'UNR, l'UDR, et c'est aussi un personnage, et là maintenant on le connaît surtout à travers cette casquette-là, qui s'occupe des relations franco-africaines. Oui, la France-Afrique. La fameuse France-Afrique. Si vous voulez, la France-Afrique, c'est les relations politiques, l'analyse de la carte électorale, et bien sûr une sorte de patron en hiérarchie du SAC. Alors, Focard et les Barbouzes, que nenni. Bien sûr, il nie cela. Au micro de RFI en 1986, on va l'écouter et on en parle ensemble après. Enfin, moi, je le dis en toute conscience. Toutes ces histoires qui, bien souvent, ont été mises en avant pour porter préjudice sont des histoires fausses. Et la politique de la France, c'est pas menée à coup de, comme on dit, de barbouze, de coup d'État, de mauvais coup. Et tout. C'est pas notre genre. C'est pas le genre, croyez-moi, du général de Gaulle, qui était la netteté, la limpidité même, et c'est pas le genre de Pompidou qui était le digne successeur de général de Gaulle. Et vous dites, parce que j'aime bien cette formule, si Focard est un salaud, c'est un salaud d'État. Oui, ça résume assez bien. Évidemment, bon, Jacques Focard, à partir des années 80, a voulu tordre le cou à sa légende noire, qui avait été instrumentalisée contre le pouvoir du général de Gaulle dès le début des années 60. C'est bien pour ça que Pierre Vincent-Ponté, par exemple, dans son livre, qui avait fait quand même une grosse presse, évidemment, en 1963, le présentant comme le chef des barbouzes, en quelque sorte. Oui. C'est toute cette légende qu'il veut déjà essayer de finalement de casser, d'abolir des années 1980, très clairement, notamment auprès de Jacques Chirac en 1986-88 à Matignon. Mais ça n'enlève rien au fait qu'effectivement, il a été à la tête d'un certain nombre d'officines discrètes, pas secrètes, mais discrètes, qui ont mené, comme on l'a vu pour le SAC, un certain nombre d'opérations illicites. Mmh. C'est très clair. Maintenant, il y a plusieurs sacs. C'est aussi ce que montre bien François Audigier dans son livre de référence sur le sac, l'histoire du sac. C'est que il y a le sac officiel, et puis il y a les grandes fédérations du sac, il y a les petites, et puis il y a le sac aussi du Sud-Est, hein, qui est quand même très érôlé par la pègre. Et on va le voir à Auriol. On va le voir à Auriol, justement. Exactement. Ouais. À Marseille, vous avez Guérini, Tramini, Jean Auger à Lyon, Mathieu Mattei à Grenoble. Dans tous ces endroits-là, on a, j'allais dire, les braves gens, les braves gaullistes au casier judiciaire vierge sont parfois peu nombreux face à des truands du milieu, plus ou moins tenus par des policiers ou des juges. Car il y a quand même pas mal de juges, il ne faut pas l'oublier dans le sac. Pierre Vianson-Ponté, dont vous parliez, c'est ce journaliste qui avait écrit La France en nuit, hein, avant 68, c'est bien lui. Tout à fait. Bon. Alors, des barbouzes au sac, certes, mais est-il exact que des magistrats, des notables en faisaient partie? Et complètement, parce que il faut bien comprendre qu'à la base, le SAC, c'est pas une police parallèle en tant que telle, c'est un service d'ordre, et au-delà des gros bras en tant que tel, qui assure la protection des meetings, y compris jusqu'à la protection rapprochée du général de Gaulle si nécessaire, vous avez la volonté d'avoir tout un réseautage à travers la France de fidèles du général de Gaulle qui, en cas de subversion communiste, comme du temps de la 4ème République et du RPF, seront prêts à se lever, à faire corps autour de Gaulle pour empêcher cette subversion, la prise de pouvoir par le Parti communiste, en mai 68 par les gauchistes et d'autres. Mais c'est ça, et donc vous retrouvez un certain nombre de policiers aussi, de magistrats, de hauts fonctionnaires qui, de manière générale, soutiennent ou agissent ou savent fermer les yeux ou libérer tel détenu, bon, qui a un petit casier judiciaire, mais qui a une bonne force de frappe pour aller monter tel coup, etc. Oui. On va se retrouver dans 3 minutes, après avoir écouté Arthur qui chante Nancy. À tout de suite. Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir, quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir sur le sentier. L'étoile filante s'est sauvée hors de tout regard. Les yeux fermés, j'ai brodé les fils d'or de ton corps. La nuit a divulgué tes audaces dissimulées. La nuit a désarmé mes rêves les mieux gardés. Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir. Quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir, hein, au loin de danser. Nancy, c'est là, c'est là, c'est là, Nancy, Nancy, c'est là, c'est là, c'est là, Nancy, tu as déjà mis ta robe blanche et ton visage resplendit, allongé comme évanoui. J'imagine que tu souris, comme dit Rimbaud, à peu près. L'éternité, quoi, est retrouvée. Oh, belle Arthur, le supplice est sûr. Nancy s'en est allée. Au loin de danser. Frédéric Turpin, on parlait de Pierre Vian sans compter tout à l'heure, on a parlé de mai 68. Comment le sac a-t-il traversé mai 68? Ça devait être une mobilisation pour lui, parce que cette révolte, elle est, bah, comme beaucoup de révoltes, subversive, hautement subversive pour le sac, j'imagine. C'est d'abord une incompréhension totale, d'ailleurs, comme au niveau du gouvernement et de la classe politique, j'allais dire de la majorité comme de l'opposition, qui n'a pas vu venir ces mouvements de jeunesse, en quelque sorte, notamment étudiants. Enfin, donc il y a d'abord une incompréhension par rapport à la nature même du mouvement. Est-ce que c'est révolutionnaire? Est-ce que c'est un monôme un peu plus musclé, vous voyez, d'étudiants? C'est pas très clair. Ensuite, dans un deuxième temps, les gens du SAC, rue de Solferino et dans toute la France, rongent leurs freins de ne pas intervenir, parce que ce sont quand même des gens qui sont formés, disons, pour la protection rapprochée, le combat rapproché, la défense, tout simplement, du régime du général de Gaulle. Or, ils vacillent, ce régime, et pour l'instant, ils sont l'arme au pied, essentiellement. Et c'est que dans un deuxième ou troisième temps, avec la grande manifestation du 30 mai 1968 sur les Champs-Élysées, que le SAC, comme d'ailleurs d'autres organisations gaullistes, hein, donne leur mesure en tant qu'organisateur pour canaliser, inciter, impulser. Et puis ensuite, bien sûr, le SAC va donner sa pleine mesure dans la contre-subversion, j'allais dire, notamment avec les comités de défense de la République. Comment ça se passe, rapidement, parce que le temps passe vite, sous Pompidou et sous Giscard, concernant le SAC? Sous Pompidou, tout d'abord, il faut bien comprendre que Pompidou a été durablement marqué, c'est le moins qu'on puisse dire, au fer rouge si vous préférez, par l'affaire Markovitch, dans laquelle, on ne prête qu'aux riches évidemment, on soupçonnait aussi la main du SAC, pareil d'ailleurs pour l'affaire Ben Barka en 1965. Donc Pompidou avait une méfiance absolue du SAC et de toutes ses officines secrètes, clandestines, etc. Donc il ne l'accepte finalement qu'à condition disons que les écuries d'Augias soient nettoyées, oui, par Focard, par De Bizet, et bien nettoyées, de même pour le SNEC d'ailleurs, avec le comte Alexandre de Maranche qui prend la tête du SNEC pour nettoyer un petit peu tout ça. Donc il y a toujours eu une réticence très nette chez Pompidou par rapport au SAC, même si dans les faits, l'UDR n'étant plus un grand parti de militants, ils avaient besoin du SAC en tant qu'organisateur, en tant que force militante. Alors après, sous Giscard, évidemment, d'abord, l'un des premiers actes du président Valéry Giscard d'Estaing, c'est de supprimer le secrétaire général pour les affaires africaines et malgaches à la présidence de la République, et donc de virer Jacques Focard, oui, dès mai 1974. Donc ça montre bien quelle était tout de suite un petit peu l'orientation de Valéry Giscard d'Estaing, qui lui aussi voulait nettoyer les écuries d'Augias, qui étaient gaullistes et non pas giscardiennes. Donc les rapports sont de plus en plus tendus en particulier avec son homme de confiance, Michel Poniatowski, qui, depuis déjà le 13 mai 1958, est extrêmement méfiant, critique, par rapport à toutes ces polices parallèles gaullistes. Donc là, les relations seront beaucoup plus tendues et le SAC n'aura plus de passe-droit parce que le gaullisme n'est plus au pouvoir, tout simplement. Est-il exact qu'en décembre 1976, lors du congrès fondateur du RPR, des hommes du SAC auraient bourré les urnes pour que Chirac en devienne le chef? Alors ça, il faudrait demander, mais c'est trop tard malheureusement, à Charles Pasqua. Ben oui. C'est le spécialiste de l'organisation des votes dans les fédérations et pour la tenue des bons votes avec les bons candidats. Donc tout est possible évidemment dans les grands congrès de ce type-là, même si globalement, il faut bien comprendre que Jacques Chirac, Charles Pasqua, en décembre 76, en lançant le RPR, ont réussi le pari qui était le leur, c'est-à-dire de lancer un grand parti gaulliste ou néo-gaulliste, mais surtout un parti de militants, de faire appel, de faire monter toute une nouvelle génération de militants, je pense notamment à Nicolas Sarkozy et d'autres, hein, qui vont prendre la relève ensuite de la génération des Chirac et des Pasqua, et qui donc, pour corollaire, cette relève générationnelle en cours, le fait que le SAC n'est plus vraiment nécessaire non plus lorsque le RPR est un parti de militants, on n'en a plus vraiment besoin. Et puis aussi parce que la vie politique française a changé. Les générations de la résistance, marquées au fer rouge de la violence militante, se retirent progressivement. Donc là encore, toutes les facettes de la violence de la vie politique française disparaissent, du moins s'estompent très largement dans ces années 70, et donc rendent caduque ou presque la nécessité d'un SAC pour des grands partis politiques. Et il fallait juste qu'une goutte, terrible, hein, fasse déborder le vase pour que le SAC soit dissous. Le SAC était affaibli pour toutes les raisons que vous venez de donner. Et puis il y a cette fameuse tuerie d'Auriol. Là, c'était plus possible, il fallait faire quelque chose. Bah, ça fait quand même un certain nombre d'années que le SAC n'était plus que l'ombre de lui-même, j'allais dire, parce qu'il n'était plus tenu de la même manière comme avant 1974, et à plus forte raison avant 1969. Un dernier mot concernant la question des services d'ordre. On va faire un grand saut jusqu'à aujourd'hui. L'affaire Alexandre Benalla est plus ou moins comparable. Enfin, c'est quand même pas la même chose. Mais il y a un service d'ordre qui va au-delà de ce qu'il peut faire, manifestement. Enfin, aujourd'hui, c'est une tradition en déshérence, en déshabitude, des services d'ordre comme ça, qui ne sont pas la police. Moi, je prendrais le problème en sens inverse. Je vous dirais que ce qui me choque surtout en tant qu'historien, spécialiste de la vie politique, c'est plutôt la résurgence d'une radicalité politique, théorique, qui se traduit par une violence militante de plus en plus forte, où on empêche de plus en plus physiquement des gens, quelles que soient leurs opinions, et je ne partage pas les opinions extrêmes en ce qui me concerne, mais de s'exprimer, de pouvoir tenir meeting, ce qui est quand même, disons, la loi de base d'une démocratie, c'est la confrontation au sens de la disputatio des idées. Même si on n'est pas d'accord, il faut accorder la légitimité du discours à l'autre, parce que l'autre, c'est un opposant, mais il a le droit de s'exprimer, vous voyez. Or, je trouve que depuis quelques années, on a des formes de radicalité, de violence militante, politique, des formes d'extrémisme qui tendent de plus en plus notre climat politique et qui commencent à le ramener dans des années qu'on n'a pas forcément envie de revoir, les années 50, 60, où justement, tenir meeting était quand même extrêmement difficile. J'en terminerai. Oui. Oui, avec une citation une remarque d'André Malraux dans les années 40, du temps du RPF contre le Parti communiste. Oui. Malraux expliquait tout simplement que quand il pouvait encore parler, tenir le micro dans un meeting, lorsqu'il recevait des boulons, et quand il recevait des clamolettes, ça devenait vraiment trop dur. Frédéric Turpin, ce sera effectivement le mot de la fin. On a une pensée pour Pierre Audigier, son histoire du SAC. C'est une somme, évidemment, et nous le saluons. Merci Frédéric Turpin, au revoir. François Audigier, oui. François Audigier, bien sûr. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le SAC, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.